الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فإن الله عز وجل خلق أبانا آدم عليه السلام وأكرمه بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأمر ملائكته الكرام بالسجود له فسجد الملائكة كلهم أجمعوا إلا إبليس فسق عن أمر ربه فطرده الله سبحانه وتعالى ولعنه وأبعده من رحمته جل في علا قال الله قال فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين فأقسم إبليس لعنة الله عليه بأن يضلنا أجمعين قال الله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ومما يسعى إليه إبليس اللعين ومما يحث سراياه إلي أو علي أن يفرق بين الزوج والزوجة أن يفرق بين الزوج والزوجة في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول أي من الشياطين فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله قال فيجنيه منه أو قال فيلتزمه ويقول نعمة أنت من الذي يسعى إلى تفرقة الزوجين إنهم السحرة الظلمة الكفرة قال الله عز وجل فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه هؤلاء هم السحرة يفسدون في بيوت المسلمين ويفرقون بين المرء وزوجه ويتمتعون بإفساد عباد الله وعلاقاتهم الزوجية أعاذنا الله وإياكم من سحر السحرة هكذا عباد الله فلا غرابة أن تسمع في هذه الأيام كثرة هذه المشاكل بين الزوج والزوجة لأن أعداءكم أيها المسلمون كثر من أعدائكم الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ومن أعدائكم السحرة والشياطين من الإنس والجن وما أكثرهم فكان لزاما على طلبة العلم أن يبينوا للناس أسباب المشاكل الزوجية لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يسلمنا من شر الفتن ما ظهرها ما ظهر وما بطن. أولا إصلاح العلاقة بين العبد وربه. التقصير في هذا الجانب أيها المسلمون من أعظم أسباب المشاكل في بيوت المسلمين وقد بوب في صحيح مسلم إذا أحب الله عبدا حببه لعباده، وذكر البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء. قال ثم يوضع له القبول في الأرض، وفي رواية فتوضع له المحبة، ثم يقول مثل ذلك في البغض، أي إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إن أبغض فلانا فأبغضه الحديث. فما أحوجنا يا عباد الله إلى إصلاح العلاقة فيما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. ثانيا ارتكاب المعاصي سبب المشاكل في البيوت. قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وتحل هذه المشاكل بطاعة ربنا تبارك وتعالى والتوبة والإنابة إليه عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما الحياة الطيبة السعادة. ومن أسباب هذه المشاكل المقارنة بين الزوجة وغيرها في الجمال والطباخة والمعاملة والعلم والحفظ إلى غير ذلك يا عباد الله. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا بنعمة الله. يا عبد الله لا تقل لأهلك إن فلانة لتصنع كذا وكذا لزوجها، بل قل الحمد لله لقد أنعم الله علي بزوجة تصنع لي كذا وكذا وغيرها لا تصنع هذا وهذا، فهذا أجدر أن نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث من أسباب أو الرابع من أسباب المشاكل في بيوت المسلمين سرعة الغضب وعدم التجاوز. قال الله مثنيا على بعض عباده المؤمنين وأوليائه المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وعند الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. ما أعظم هذه النصيحة وما أحوجنا إليها في هذه الأيام. قال مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: إن إبليس لعنه الله قال: ما أعجزني بنو آدم فلن يعجزوني في ثلاث، إذا سكر أحدهم أخذنا بخزامته فقدناه حيث شئنا وعمل لنا بما أحببنا، وإذا غضب قال بما لا يعلم وعمل بما يندم. فلتكن قاعدة بيوتنا أيها المسلمون والمسلمات فلتكن قاعدة بيوتنا ما قال الصحابي الجليل أبو الدرداء لأم الدرداء رضي الله عنهما، قال لها قولا جميلا: إذا رأيتني غضبت فردني، وإذا رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصطحب. أي لا بد من الافتراق إن لم نلتزم بهذه الآداب الطيبة. واسمع خلقا كريما نبويا فيه حلم وترك الغضب. قال أنس رضي الله عنه كما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: غارت أمكم صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب المشاكل قلة ذكر الله في البيوت. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وقد فسرت البطلة بالسحرة، هؤلاء الظلمة الذين يسعون جادين للتفرقة بين الزوجين. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا إحدى مشاكل البيوت، ألا وهو الانشغال عن المرأة والغفلة عن حالها وحاجاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن تفرغ للعبادة للصيام والقيام حتى لم يلتفت إلى زوجته، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون قال هذا لمن انشغل عن زوجته بسبب العبادة، فما ظنكم بمن انشغل عن الزوجة بأمور دنيئة عياذا بالله، كالتلفاز، كمشاهدة التلفاز وكثرة الأصحاب والسماء. إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه الأسباب أكثر من أن تحصى في خطبة واحدة، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح بيوت المسلمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، chers frères, sachez qu'Allah سبحانه وتعالى a honoré Adam, notre père, en le créant avec sa main, en lui insufflant son âme et en lui enseignant le nom de toutes choses. Puis il ordonna aux anges et celui qui était parmi eux de se prosterner devant notre père Adam alayhi salam. Ils se sont donc tous prosternés et soumis à l'ordre d'Allah, excepté Iblis qui désobéissa ou bien qui désobéit à son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala l'a donc viré de cette élévation et de cet honneur. Il l'a maudit et l'a banni à tout jamais. Alors Iblis a juré par la puissance de notre Seigneur de tous nous égarer, exception faite des serviteurs parmi nous qui seront élus chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les efforts fournis par le shaitan et ceux qui s'associent à lui dans sa mission, qui est le fait de semer le désordre sur la terre d'Allah, il y a le fait de pousser au divorce l'homme de son épouse. Il y a le fait de propager la haine, l'inimitié et la dissension dans le cœur des époux. Ainsi, il nous faut étudier ce sujet. Il nous faut être sensibilisés à ce sujet, afin d'être sur nos gardes et de ne pas succomber aux attaques du shaitan et de ceux qui viennent avec lui pour tenter de semer le désordre sur la terre d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Iblis a mis son trône sur la mer, Iblis a mis son trône sur l'eau et il envoie des bataillons afin de semer le désordre sur la terre, afin de semer le désordre sur la terre. Puis, l'un des diables envoyés par Shaitan et Iblis revient à lui et lui dit: j'ai fait ceci et cela, c'est-à-dire comme mal et perversion sur la terre, et j'ai fait tomber un tel dans les péchés, par exemple le mensonge, ou bien l'alcool et l'adultère et autres. Iblis lui répond: Tu n'as rien fait. Puis un autre lui revient. C'est alors qu'un diable lui dit: je n'ai cessé d'être entre un tel et son épouse jusqu'à ce qu'il la divorça. Alors Iblis lui dit: quel bon compagnon es-tu, toi tu es un bon. Et il le rapproche et lui donne une place auprès de lui. Donc le plus proche des shayatins d'Iblis est celui qui réussit à semer le plus grand désordre sur la terre d'Allah. Et parmi ce grand désordre, le fait de perturber la tranquillité et l'amour au sein des foyers musulmans. C'est ainsi que les shayatins agissent. Parmi les causes de problèmes dans les couples, il y a les sorciers, ceux qui s'adonnent à la sorcellerie et ceux qui les visitent afin de demander leur service. Ces sorciers qui n'ont aucune part d'islam, ces sorciers qui ont vendu leur islam contre les services du shaitan, ces sorciers qui ont fait un pacte avec le diable, ces sorciers au sujet duquel Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Et jamais le sorcier ne réussira où qu'il se rende. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant ces gens-là, et ils apprennent de ce avec quoi ils vont séparer entre l'homme et son épouse. Parmi les actions principales des sorciers, faire se séparer les couples, faire entrer l'inimitié dans les foyers musulmans, faire régner le désordre et la haine dans le cœur de gens qui auparavant étaient des époux, qui s'aimaient. Les shayatins parmi les humains, ces sorciers, ont pour pratique principale cette action. Qu'Allah nous préserve de notre mal et qu'il guérisse ceux qui ont été touchés par cette sorcellerie. Ainsi, nous avons beaucoup d'ennemis et le croyant, et ni le croyant ni la croyante doivent être distraits de leurs ennemis. Le pire d'entre eux est Shaytan. Parmi les pires d'entre eux, les sorciers. Parmi les pires d'entre eux, les diables et les démons. Parmi les humains et parmi les démons. Ainsi, il nous faut connaître ces causes. La première cause de problème dans le couple est le fait de ne pas réformer la situation entre le serviteur et son seigneur. Avant même d'accuser le conjoint, avant même d'accuser l'épouse, avant même d'accuser l'époux, il faut regarder nos personnes. Et où en sommes-nous dans notre relation avec notre Créateur? Où en sommes-nous dans notre apprentissage? Dans la concrétisation du monothéisme, dans l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, les nobles caractères, les bons comportements envers nos parents. Celui qui ne réforme pas sa situation avec Allah, qu'il ne s'étonne pas de trouver des troubles au sein de son foyer. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim nous rapportent que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et il lui dit: oh Jibril, j'aime un tel, aime-le donc. Alors Jibril l'aime, puis il s'adresse aux habitants des cieux et leur dit: Allah aime un tel, aimez-le donc. Alors ils se mettent à l'aimer. Puis son approbation est mise sur la terre, dans une autre version, son amour. Et lorsqu'Allah déteste un serviteur, il appelle Jibril et dit: oh Jibril, je déteste un tel, déteste-le donc. Jibril le déteste alors, il appelle les habitants des cieux et leur dit: Allah déteste un tel, déteste-le donc. Alors il le déteste et l'inimitié à l'égard de cet homme se répand sur la terre. Parmi les causes de problèmes dans le couple, le fait de commettre des péchés, le fait de désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans son livre, et selon la traduction des sens de ce verset: et il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que cela ne soit le fruit de ce que vos mains ont avancé, et il pardonne beaucoup. Amar ibn Amr disait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou bien Ibn Amr rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: et la bassesse et le rabaissement, ou bien l'avilissement, a été mis à l'encontre de toute personne qui contredira mon ordre. Qui contredira mon ordre? Celui qui désobéit au prophète alayhi salatu wassalam vivra une vie pleine de gêne, une vie remplie de soucis et de problèmes. Ibn Uyayna, ou bien Sufyan ibn Uyayna, na'am, rahimahullah ta'ala, un des pieux prédécesseurs, disait: les savants d'avant se recommandaient mutuellement trois paroles. Celui qui réforme son intérieur, Allah réformera son extérieur. Et celui qui réforme son lien avec Allah, Allah réformera son lien avec les serviteurs d'Allah. Et celui qui travaille pour l'au-delà, Allah lui donnera ce qui lui suffit pour son bas monde, sa dunya. Donc il nous faut nous concentrer en premier lieu pour régler nos problèmes de couple sur nos propres personnes et ne pas pointer du doigt le conjoint, mais se repentir et revenir vers Allah. Avec le repentir, il y aura la bonne vie. Avec la foi et les actions pieuses, il y aura le bonheur dans les foyers musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ce verset: celui qui fait de bonnes actions, qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Ibn Abbas dit, c'est-à-dire le bonheur. Et on le rétribuera, nous le rétribuons selon les meilleures des actions qu'il faisait. Ainsi, on obtient le bonheur dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Parmi les grandes causes de problèmes dans le couple, il y a le fait de comparer l'épouse à d'autres femmes. Le fait de comparer l'épouse à la maman. Le fait de comparer l'épouse à la belle-sœur, de comparer l'épouse à la femme de un tel et un tel, que ce soit dans la beauté, que ce soit dans les talents culinaires, dans la cuisine, que ce soit dans la science et les comportements. Ô serviteur d'Allah, pourquoi est-ce que tu ne regardes pas plutôt celles qui sont en dessous en matière de qualité et de piété que ton épouse? De ton épouse. Au lieu de dire une telle fait cela et toi tu ne me fais pas ça, une telle fait ceci à son époux et toi tu ne me fais pas ça, dis plutôt je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné à moi en tant qu'épouse, car tu me fais ceci alors que les autres ne font pas cela. Voici le comportement qu'il convient d'avoir et les paroles qu'il convient de prononcer. Et certes le prophète alayhi salatu wassalam nous disait: regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Ça sera meilleur pour vous afin de vous montrer reconnaissant. Donc parmi les fautes gravissimes dans le couple, le fait de comparer l'épouse à d'autres femmes. Aussi, beaucoup ont des problèmes de couple car ils ne baissent pas le regard dehors. Ils sortent et ils regardent des femmes étrangères. Ceci est haram. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَرُبُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُ فُرُوجِهِمْ. Et dit aux croyants de baisser leur regard, dit aux croyants de préserver leur chasteté, dit aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté. Celui qui regarde les femmes dehors, qu'Allah nous en préserve, il sera constamment ingrat envers les bienfaits de son Seigneur. Il rentrera et il ne trouvera pas les qualités de son épouse. Alors qu'en réalité, il désobéit Allah, c'est pour ça qu'il ne trouve pas les qualités de son épouse. Il lui faut baisser le regard. Et ainsi, en rentrant, il regarde son épouse et il trouve ce qui lui plaît. Dans le cas contraire, Shaytan va pervertir son cœur. Qu'Allah nous en préserve. Parmi les grandes causes de problèmes dans les couples, la télévision. La télévision, le fait de ne pas accorder l'importance à la femme ou au mari et de rester de longues heures durant le matin et le soir devant la télévision. Parmi les grandes causes de problèmes dans les couples, le fait de se mettre rapidement en colère, dans une colère démesurée, la colère de l'homme, lorsque tu le vois, on dirait qu'il a perdu la raison, ou la colère de la femme, lorsque tu l'entends, tu croirais qu'elle a perdu la raison. Allah Azza wa Jalla a fait les éloges dans le Coran de ceux qui dominent leur colère, en nous disant, selon la traduction des sens de ce verset, ceux qui dominent leur rage et pardonnent à autrui. Et certes, Allah aime les bienfaisants. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a reçu la visite d'un homme qui lui a dit, ô messager d'Allah, enseigne-moi une chose et écoute ta parole afin que je la comprenne. Ne me dis pas beaucoup de recommandations car j'espère la retenir et la comprendre. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, ne te mets pas en colère. L'homme lui a dit, ajoute-moi au messager d'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, ne te mets pas en colère. Et à chaque fois qu'il répétait sa demande, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui faisait la même réponse. Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, disait que Iblis dit, dans trois situations, le fils de Adam, je pourrais le contrôler, le diriger, comme bon me semblera. La première situation, lorsqu'il boit de l'alcool, lorsqu'il est ivre, à ce moment-là, je le dirige où je souhaite. Et il fait ce que je souhaite. La deuxième situation, lorsqu'il se met en colère. Lorsqu'il se met en colère, il prononce ce qu'il ne sait pas. Et il fait ce qu'il regrettera. Et il fait ce qu'il regrettera. Donc lorsque tu te mets en colère, agis comme le prophète alayhi salatu wassalam t'a enseigné. Retiens ta langue si ce n'est de bonnes paroles. Et dis A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. Et n'excite pas la personne en face et ne la pousse pas. Et n'aide pas shaitan contre le conjoint pour avoir un argument contre la personne dans le futur. Mais sois plutôt son allié. Sois plutôt son allié et aide-la contre son shaitan. Et que la règle de nos maisons soit la règle prononcée par Abu Darda. Écoutez cette belle parole de ce noble compagnon. Abu Darda radiallahu anhu a dit à son épouse Ummu Darda, ce sont deux nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, si je suis courroucé, satisfais-moi. Lorsque tu me verras en colère contre toi, cherche mon agrément. Et lorsque moi je te verrai courroucé et en colère, je chercherai ton agrément. Et si nous n'agissons pas ainsi, on se séparera rapidement. Allahu Akbar. Lorsque l'homme est en colère, la femme doit chercher son agrément. Et lorsque la femme est en colère, l'homme doit chercher son agrément. Ainsi, la vie conjugale perdurera. Et écoutez ce noble comportement prophétique. La mansuétude, le pardon et le fait de passer sur les fautes. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam était chez Aïcha. Une autre de ses épouses lui a envoyé un plat de nourriture. Lorsque le servant est arrivé à la porte, il lui a donné le plat en lui disant, c'est de la part d'une telle. Alors Aïcha a tapé le plat. Elle a tapé la main du servant, alors le plat est tombé par terre et il s'est brisé. Alors que le prophète alayhi salat wa salam avait des invités. Alors le prophète alayhi salat wa salam est venu avec le plus grand calme. Il a réuni les morceaux du plat. Il a réuni la nourriture. Et il a dit à ses invités, Rarat ummukum, votre mère a été prise de jalousie. Votre mère s'est montrée jalouse. Puis lorsque le servant a voulu partir, il lui a dit, attends. Il a pris un plat qui était intact et il lui a dit, donne-le à mon épouse. Et il a gardé le plat cassé et il a dit, ceci est pour Aïcha. Et c'est ainsi que le feu a été éteint. C'est ainsi que le feu a été éteint en une seconde. Alors que dans la demeure des certains, tu trouves pour moins que cela, que l'homme retourne la maison, il casse la maison, il insulte, il maudit, puis il divorce. Ensuite, il vient à la mosquée, en pleurant, il vient voir l'imam. Et il lui dit, j'ai 5 enfants. Et c'est le 3e divorce. Est-ce qu'il y a une issue? Pourquoi tu n'as pas retenu ta langue? Si tu l'aimes comme tu le prétends, pourquoi tu n'as pas observé le comportement enseigné par le messager, sallallahu alayhi wa sallam? Dis du bien, celui qui a du bien qu'il le dise, dans le cas contraire qu'il retienne sa langue, avant de regretter. C'est ainsi que nous a éduqué le prophète, alayhi salatu wassalam. Voici le comportement qu'il convient d'adopter lorsque l'un des deux époux est touché d'une colère ou autre. Parmi les causes de problèmes dans les maisons, le fait de ne pas mentionner Allah dans la maison, le fait de ne pas faire de zikr, le fait de ne pas lire le Coran, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, lisez sourate al-Baqara, car il y a en elle une bénédiction, car le fait de prendre cette sourate est une bénédiction, et son délaissement est une grande perte, et les batala n'ont pas la capacité, c'est-à-dire que les sahara, les sorciers, n'ont pas la capacité sur toi lorsque tu la récites. Sixièmement, parmi les causes de problèmes dans le couple, le fait de ne pas prêter attention à la femme. Il ne fait pas attention à la femme. Il ne fait pas attention aux sentiments de la femme. Il ne prête pas attention à la différence entre la femme et l'homme. Il se comporte avec elle comme il se comporte avec son ami. Et il oublie qu'elle a des sentiments, ça n'est pas une machine. Il ne fait pas attention à ses douleurs, à ses peines, à ses tristesses. Et il ne lui accorde pas de temps ni d'attention. Ceci est une des plus grandes causes de problèmes dans le couple. Jusqu'à ce que certaines personnes découchent sans informer l'épouse. Certaines personnes sont mariées et elles dorment chez leurs parents en disant « Mes parents sont plus importants que mon épouse. Ma mère a plus de place que mon épouse. » Certes, ta mère a plus de place que ton épouse. Mais le prophète alayhi salatu wassalam t'a ordonné la bienfaisance envers ton épouse. Et il te menace et il te dit que si tu ne t'acquittes pas de tes devoirs envers elle, c'est lui que tu as contre toi, et au mal qiyama. Donc, il faut mettre chaque chose à sa place. l'homme il accorde de l'épouse de la place et de l'importance à son épouse, comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit à un homme, alors qu'il jeûnait très souvent le jour et il priait très souvent la nuit, à un point tel que son épouse a été délaissée, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, certes ton Seigneur a sur toi des droits et ta personne a sur toi des droits et ton épouse a sur toi des droits, alors acquitte-toi de des devoirs envers chacun. Si le prophète alayhi salatu wassalam a dit cela à un homme parce qu'il jeûnait tous les jours au point de ne pas toucher son épouse, il priait toutes les nuits au point de ne pas s'approcher de son épouse, qu'aurait-il dit s'il avait vu les hommes traîner, c'est le mot adéquat, dehors jusqu'à 5 heures du matin, découcher des nuits durant sans donner de nouvelles à l'épouse? Il rentre, il sort comme un coup de vent. Il rentre, il se lave, il mange, il ressort. Subhanallah. Cette femme, tu l'as pris chez ses parents. Elle ne te connaissait pas, elle était heureuse chez elle. Maintenant que tu l'as sortie de son foyer, tu veux lui nuire et l'opprimer. Sache que cette femme a un Seigneur qui est au-dessus des cieux et qui la préserve et qui la voit. Et si tu ne t'acquittes pas de tes devoirs envers elle, sache que tu auras à comparaître un jour devant elle. Et tu trouves des femmes qui, au lieu de prendre soin de leurs époux, elles restent au téléphone toute la journée, toute la nuit, au point que l'enfant n'a pas mangé, au point que l'époux est méprisé et déconsidéré. Cette femme n'a pas compris le sens du mariage. Elle n'a pas compris que son époux était une échelle qui lui permettait de gravir les échelons dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous faut donc craindre Allah tabaraka wa ta'ala et s'enquérir des besoins de l'épouse. Et écoutez ce récit magnifique. Un jour le prophète alayhi salatu wassalam est rentré chez sa fille et il l'a trouvée en larmes. Il lui a dit, que t'arrive-t-il? Elle lui a dit, Hafsa m'a insulté. Elle a dit, comme sa fille a été convertie, elle était juive auparavant. Elle lui a dit, elle m'a dit, la fille du juif. Alors ça m'a fait pleurer, ça m'a touché. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, oh sa fille, tu es la fille d'un prophète. Et tu es la nièce d'un prophète. Et tu es l'épouse d'un prophète. Quelle femme après toi pourra se vanter devant toi? C'est-à-dire, tu es la fille de Moussa. Et ton oncle c'est Haroun. Et tu es l'épouse de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors cela remplit de joie le cœur de sa fille. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait tellement attention au ressenti de ses épouses qu'il dit à Aïcha, je sais quand tu es en colère et lorsque tu es satisfaite. Elle lui a dit, comment est-ce que tu sais ça? Il lui a dit, lorsque tu es satisfaite, tu dis, je jure par le Seigneur de Mohammed. Et lorsque tu es en colère, tu dis, je jure par le Seigneur d'Ibrahim. Elle lui a dit, oh messager d'Allah, je n'abandonne que ton prénom. Oh messager d'Allah, je n'abandonne que ton prénom. Regardez la douceur de cet époux et regardez la sagesse dans la réponse de cette épouse. Radiallahu anha. La cause suivante, une des plus grandes causes de divorce dans les couples, le fait de ne pas pardonner les fautes passées et de les rabâcher constamment à la moindre difficulté et au moindre problème. Allah Azza wa Jalla nous ordonne le pardon dans le Coran. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui ne pardonne pas, Allah ne lui pardonnera pas. Et celui qui n'a pas pitié des gens, Allah n'aura pas pitié de lui. Parmi les causes et les remèdes, le fait de ne pas blâmer la personne pour toutes ses fautes. Et le fait de laisser passer beaucoup de fautes, comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam dans la sourah At-Tahrim, lorsque Hafsa a répété une parole qu'il lui avait confiée. Allah l'en a informé. Il l'a blâmé sur certaines choses et il a laissé passer d'autres choses. Il faut pardonner, il faut laisser passer. Il faut laisser passer les fautes passées. Et il faut s'excuser mutuellement et reprendre une page blanche pour que la vie conjugale perdure. Et pour finir, parmi les grandes causes de problèmes dans le couple, les mauvaises fréquentations. L'homme fréquente des gens non fréquentables et ils lui disent, comment ton épouse te répond ainsi? Moi, si elle m'avait fait ça, je lui aurais fait Kate ou Kate. Ou bien la femme visite une sœur et la sœur lui dit, quoi, ton époux ne t'achète pas ça? Quoi, tu ne sors pas quand tu veux? Quoi, ceci, cela? Elle remplit son cœur de haine à l'égard de son époux, alors qu'auparavant elle vivait paisiblement. Elle rentre chez elle et c'est le feu à la maison. Non! Il ne faut pas fréquenter les mauvaises fréquentations, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Wa sallallahu ma baraka على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Retenez cette parole, la parole de votre Seigneur. والصلح خير. La réconciliation est meilleure, c'est-à-dire meilleure que le divorce. Que va devenir cette femme avec ses enfants? Que va devenir cet homme qui n'a plus de repère? Beaucoup de gens qui divorcent succombent dans les péchés, qu'Allah nous en préserve. Et le dernier remède doit être le divorce, et ça n'est pas une chose interdite, mais dans des situations limitées qu'on exposera, inshallah ta'ala, le mois prochain. As'alullah al-azim, Rabb al-arsh, al-karim, wa huwa al-wadud, al-ra'uf al-rahim, an yusliha buyut al-muslimin. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين Et n'oubliez pas de dépenser pour la mosquée en espérant qu'Allah Azza wa Jal la fasse s'élever très prochainement والحمد لله